Bonjour à toutes et à tous, Festival Archipel, vendredi 7 avril 2023. Un partage d'écoute aujourd'hui avec Carole Robinson. Carole qui a donc joué et performé hier avec 5 amis musiciens, musiciennes des magnifiques concerts qui incluaient musique ancienne et musique du 21e siècle avec une pièce magistrale de Jörg Frey. Donc bienvenue Carole, bonjour. Bonjour. Alors, Carole, tu nous as concocté des paquets surprises d'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va écouter des choses et à la fin, on va découvrir des choses que je ne connais pas non plus. Parce qu'on reçoit toujours des disques, on n'a pas toujours le temps d'oser les écouter ou prendre le temps. Donc, on va les découvrir ensemble après avoir parcouru différentes idées. Voilà. Excellent. Eh bien, oui. On se réjouit. Allons-y. D'accord. J'ai pensé commencer, tout le monde, avec juste d'être conscient des sons dans cet espace. Est-ce qu'on écoute l'extérieur? Est-ce qu'on écoute les voisins? Est-ce que c'est un son constant? Est-ce que c'est un son rassurant ou pur? Est-ce qu'on écoute l'extérieur, la vie autour de nous? Mais je me suis dit, pour apprivoiser cet espace, pour que ça devienne notre espace d'écoute, on va essayer d'anéantir ce son-là. Donc je vous demande, même si vous êtes allongé confortablement, quand je compte à toi, qu'on tape les mains très très fort, tous ensemble, pour juste nettoyer l'espace. Donc, 1, 2, 3. Sœur Marie Kérouze, des chants sacrés, Melchite, l'hymne à la Vierge, pour l'office de Pâques. L'extase, la réjouissance, la lumière, parce que le Fils est ressuscité. Je tenais à commencer avec la voix d'une femme qui projette son être par sa voix vers un plus loin. Et continuons avec une autre femme, une femme sur la terre, avec une autre tradition, cette fois, Ouléa Mint Amartichit de la Mauritanie, aussi une chanson de louange qui s'appelle Mema. Thank you. Passons à une autre voix d'une femme palestinienne qui habite en France, Camila Joubran. Une autre expression d'aujourd'hui. La pièce s'appelle Siwa. سنوات بدموع نبعت من بختي من يأخذ مني لغتي صفة المسجونة في قبو حفرت حرمي بصوتي من يأخذ مني عذة صورا ربطت بخيال عربي في خيمة مقطي من يأخذ مني عذتي من يحمل عني شعرا مجبولا بلهات غدت من شفتي من يسمع أنات دفنت بالرمل قرونا من شدة موتي أوسطت القلب على مصراعيه بصدر مكشوف للشمس بأرض لا تدخلها الريح بأرض خلدت في العدم من شدة صوتي خبأت لساني في حلم موصود تحفظه الجن وراء البحر لقومي يأتون ربيعا إن شاء الحلم وشئت يأتون خريفا معتمرين حروفا خيطت من أعلامي Thank you. Mystère. Vincent de Beauguin, les livres qui se font bien. لن أقبل بعد اليوم حديثا عن سر سباتي طال سباتي طالما على أحياء مواتي إن شاء كلانا أحضر يوما إن شئت الكشف عن الحلم وشاء أحضر يوما إن شاء الحلم وشئت نحلم بعضا إن شاء الحلم كلانا لن أقبل بعد اليوم سوى ما كنت وكان إن شاء كلانا أحضر يوما إن شئت الكشف عن الحلم وشاء أحمر يوما إن شاء الحلم وشئت نحلم بعضا إن شاء الحلم كلانا لن أقبل بعد اليوم سوى ما كنت وكان Avant, John Tavener, A Hymn to the Mother of God, chanté par le chœur de New College, Oxford. Il y avait un enregistrement de 1953 de Schlafendes Jesuskind de Hugo Wolf, joué par Elisabeth Schwarzkopf et Wilhelm Furtwängler. Quand je joue la clarinette, je veux être toujours une voix. J'aimerais dire que je chante, même si je joue la clarinette. Mais passons à un peu de clarinette. Quand même, cette fois, la famille Léla de Permette, ce sont des polyphonies vocales et instrumentales d'Albanie. Et c'est un morceau qui s'appelle Lesko Vikware. Thank you. faut chanter, mais il faut bien sûr aussi danser avec tout le monde dans la joie. Donc on passe, enfin on change de continent, on vient plus près de chez moi, à la Louisiane, pour un peu de Zydeco Blues. Hein. Zydeco Cha-Cha, baby. Ah, Zydeco Cha-Cha même. Donc, Clifton Chenier. J'adore cette musique. Mais j'aime aussi les sortes de blues hein, qu'on trouve partout, les dérivés. Là, la prochaine proposition, c'est un chant entendu dans un film. La musique est partout. Cette fois, c'est la musique de Michael Dana, chantée par Sarah Polly. Je crois que c'est elle qui a fait les textes aussi. Et ça s'appelle Boy. C'est d'un film de Atom Egoyan qui s'appelle The Sweet Hereafter. Please. une des voix des clarinettes. Chaque instrument a plein de voix qu'on n'entend pas toujours. Donc cette fois, c'est une proposition d'un clarinettiste français qui s'appelle Joris Ruhl. Et ça s'appelle Étoile 3. Cette fois, une proposition de Silvia Tarozzi et Deborah Walker, leur disque Canti di guerra, di lavoro e d'amore. Il bersaglieri a cento pene. Thank you. accade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non importa di morire, perché se libero un uomo muore, non importa di morire. Nous écoutons toujours plein de choses qu'on connaît. Est-ce qu'on donne assez de temps pour découvrir des choses? Je sais, étant musicien, on me fait cadeau tout le temps des disques. Et parfois, ils s'accumulent un peu. Et j'ai dit, oh là là, il faut que je les écoute. Et donc, j'ai pris trois disques qui étaient sur mes étagères. Donc, nous avons la version carrée, le rond, et le triangle. Et je vous laisse vous décider. Qui va décider? Vous voulez? Vous avez le choix entre ces trois formidables. Je peux les mettre dans tous les ordres. Le triangle. Uh-huh. Bon. Nous avons Luigi Nono. Donc, écoutons. Ce disque de Luigi Nono, qui est sorti chez Chine il y a peu de temps. Oh là là. Donc on peut le mettre en marche et je vous annonce le titre. Risonanze, risonanze errate. Didaziklus a Massimo Cacciari. Kind. Thank you. La pièce dure 40 minutes, mais la radio ne laisse pas les 40 minutes. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Merci, Carole. Et nous rendons l'antenne immédiatement. L'émission est terminée. Nous retrouvons le direct demain, samedi 8 avril à 10h. Et évidemment, en podcast toute la journée, toute la nuit, pour celles et ceux qui ont envie d'en entendre plus. À bientôt. Archi Radio. La radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org. Thank you. étaient nombreux. Même petit trou. Oh.